Suite à la perte de mes proches, je me suis souvent demandé ce à quoi ils avaient dû faire face à quelques jours de leur propre mort. Un grand vertige m'habitait juste à y penser. J'ai donc redéfini ma propre perception de ce moment où ils ouvrent leurs ailes. Et si c'est moi qui mourrais demain? À travers ma vie, il m'a été plus fréquent d'explorer un côté de la médaille. Lorsqu'on vit un deuil, une partie de nous résiste, se retient, persiste et demande à la vie d'exister encore une minute. Parce que tout le monde le sait, après avoir perdu, on ne goûte plus de la même façon. Malheureusement, il n'y a que très peu de secondes chances. Je crois que trop souvent, c'est l'espace créé par une perte qui donne une nouvelle saveur à ce qui a été. Comme quoi, en tant qu'humain, on réalise plus souvent ce que l'on avait que ce que l'on a. Même si, en théorie, nous savons que la mort viendra ou qu'elle sonnera peut-être par surprise à la porte, c'est comme si c'était impossible d'imaginer le réel vertige qu'ont vécu nos proches défunts à la veille de leur propre mort. J'ai souvent été plongée dans un état de deuil, mais je n'ai que très rarement pris le temps d'imaginer le deuil de quitter sa vie. Comme si notre passage ici était une pratique intensive à une série de deuils afin d'apprivoiser l'ultime deuil, celui de quitter toute notre vie. Avec mon privilège d'accompagner la vie jusqu'à ce fil, avec mon grand besoin de comprendre les autres, avec la certitude que leur réel vertige ne peut se ressentir qu'une fois sur le bord de la falaise, je me demande, et si c'était moi qui mourrais demain? J'ai vraiment été surprise qu'une fois sur son lit de mort, ma mère eut peur de la mort. Nous parlions peu de ce sujet, mais j'avais souvent entendu ses discours de confiance face à cette étape. C'est clair que, même si tu as envie de sauter en bungee, ce n'est qu'une fois au haut de la falaise que tu affrontes la réalité. Alors, imaginons un instant. Si tu devais sauter, sans élastique, et là, tout de suite, tu avances sur le rebord. Tu peux jeter un dernier regard sur ta vie, tes proches. Tu y es. Allez, tu dois te lancer. Si tu n'avances pas, c'est la vie qui te poussera dans le dos. Le vide sonne écho. Ce n'est plus une question de choix. Une partie de toi refuse de se lancer dans ce vide. Dans ton ventre, un tsunami. Tu as peur. Mais c'est à cet instant que tu dois te rappeler que le seul remède contre la peur, c'est l'amour, celui que tu apportes avec toi. Dans ce vol de l'ange, prends ta dernière bouffée d'oxygène et plutôt que de plonger dans ce vide, ferme les yeux et plonge à l'intérieur de toi, dans cet amour que tu as nourri toute ta vie. N'oublions pas que l'on ne porte en nous ni nos réussites, ni nos acquis, ni nos diplômes ou nos reconnaissances, ni notre popularité, ni nos prix Nobel. Ce que je porte en moi, c'est ce que je suis, sans aucun regard sur moi. Ce qui est sans couleur d'ego ou sans besoin de plaire, c'est ce qui prend racine à l'intérieur de moi. Ce sur quoi il est parfois difficile de mettre des mots, mais qui, assurément, détient le pouvoir de me faire sentir vivante. Tu laisseras derrière toi, telle une signature, l'œuvre de ton passage. Ta vie devient le paysage dans lequel tu pourras plonger à ce dernier souffle. Le corps sait comment mourir. C'est le cœur qui résiste. Mais à comprendre que toute ma vie, j'ai créé mon paradis, je me rassure. Mais surtout, je m'apaise en sachant pertinemment le paysage magnifique que ma mère a dû découvrir après son envol.